Elle a toujours les cheveux raides, un pull et des baskets. Elle vient me prendre un peu de tendresse quand ça peut lui faire plaisir. Je n'aurais pas l'idée de la retenir. Elle a un esprit que j'adore, un côté un peu mec. Elle part toute seule en autostop. Je me dis que je la reverrai jamais, mais elle m'appelle au secours 15 jours après. Elle est tout entière, elle suit son instinct. Elle peut demain se jeter dans un lac ou se retrouver dans un hold-up. Mais il fallait la tirer n'importe où, je crois bien que je serai au rendez-vous. Des matins, je pense à elle, je réfléchis dans mon lit. Je finis toujours par me dire que même si elle est cinglée, c'est la fille la mieux que j'ai rencontrée. Elle est tout entière, elle suit son instinct. Elle peut demain se jeter dans un lac ou se retrouver dans un hold-up. Mais s'il fallait la tirer n'importe où, je crois bien que je serais au rendez-vous. Elle est tout entière, elle suit son instinct. Elle peut demain se jeter dans un lac. Au rendez-vous. S'il fallait un jour la tirer n'importe où, je crois bien que je serais là, que je serais là-haut.